pseudo-relation. Elle m'a prouvé mille et une fois que j'avais raison. Je regrette rien, elle ne m'a porté rien de bon. Je regrette rien, mais j'y pense à chaque seconde. Elle m'a fait mal, si je dois tout te dire, j'étais sous l'eau. Mais quand je la croise et je bombais le torse, je suis un homme beau. C'est la seule femme qui a réussi à piquer mon ego. Je fais le mytho quand je suis dans mon perso. Je me suis battu contre moi-même de manière agressive. J'ai compris qu'elle ne sortira jamais de ma île. En tout cas pas tout de suite. Difficile d'oublier. J'ai décidé de vivre avec elle, mais je n'oublie pas. J'ai décidé de vivre avec elle, mais je n'oublie pas. Je veux plus qu'on soit ensemble et je pense à toi tout le temps. Je veux plus qu'on soit ensemble et je pense à toi tout le temps. Je veux plus qu'on soit ensemble et je pense à toi tout le temps. Je pense à toi tout le temps, mais je veux plus qu'on soit ensemble. Elle m'avait remplacé depuis longtemps. J'ai vu qu'elle avait tout effacé rapidement. J'arrête pas de dire que je m'en bats les couilles, chacun avance. Je suis tout le contraire d'un homme blessé en apparence. Ça fait un moment que mon cœur laisse les messages en vue. Je cherche encore comment remplacer ce que j'ai perdu. Je lui souhaite rien de mal, mais je ne lui souhaite rien de bien non plus. De toute façon c'est foutu, si jamais j'avais su. Je me suis battu contre moi-même de manière agressive. J'ai compris qu'elle ne sortira jamais. En tout cas pas tout de suite. Difficile d'oublier. J'ai décidé de vivre avec elle, mais je n'oublie pas. J'ai décidé de vivre avec elle, mais je n'oublie pas. J'ai décidé de vivre avec elle. Ensemble et je pense à toi tout le temps. Je veux plus qu'on soit ensemble et je pense à toi tout le temps. Je veux plus qu'on soit ensemble et je pense à toi tout le temps. Je pense à toi tout le temps, mais je veux plus qu'on soit ensemble.